perte de vue. La mer, notre refuge fragile. Ici, chacun a sa rue. Mais on parle de frontières nouvelles. Un passe pour contrôler des barrières qui nous ensorcellent. Liberté, on veut garder. Pas de place archipel, non, non, non. On veut vivre libre sans prison. Pas de passe archipel, non, non, non. On veut vivre libre sans prison. Pas de passe archipel, non, non, non, non. L'archipel, c'est notre maison. Alors debout, Mérinos, luttons tous pour ce jour. Pour nos côtes, c'est cadeau. Gardons-nous qui est toujours. Toujours.